tu es Léon boule de gomme. Oh qui, oh qui, qui a fait la boum boum et bang. Oh qui, oh qui, oh qui a tué Léon boule de gomme. Oh qui, oh qui, quel est son nom, quel est son gang. C'est peut-être bien le fils, oh oui, du joueur de tennis. Ah oui. Ou le cheval du gardien, oh oui, qui tire vite et bien. Il vendait de la guimauve et de la pâte à mâcher. Il était sale et chauve, ça devait lui arriver. Oh, qui a tué Léon boule de gomme. Oh, qui, oh, qui, qui a fait la boum boum et bang. Oh, qui, oh, qui, qui a tué Léon boule de gomme. Oh, qui, oh, qui, quel est son nom, quel est son gang. C'est l'homme de la buvette, oh, oui, qui ne faisait plus recette. Oh, oui. Ou le chien du serveur, oh, oui, qui piétine les fleurs. Il vendait de la guimauve et de la pâte à mâcher. Il était sale et chauve, ça devait lui arriver. Il était sale et chauve, ça devait lui arriver. Oh, qui a tué Léon boule de gomme. Oh, qui, oh, qui, qui a fait la boum boum et bang.